Quand je me suis engagé, j'ai écouté ce qu'a dit le général de Gaulle. Il a dit que la France combattait pour la liberté dans le monde. J'ai pensé qu'à la guerre, on gagnerait les mêmes droits que nos frères d'armes français. On se bat tous ensemble pour la liberté, l'égalité et la fraternité. Eh bien, il serait temps qu'ils nous en donnent un peu maintenant de cette liberté, de cette égalité et surtout de cette fraternité. On est en train de changer le destin de la France. Il est temps que les choses, elles changent pour nous aussi. Les Français se couronnent les premiers. Ensuite, c'est vous, les pieds noirs. Et nous, les indigènes, on nous oublie. Je suis pour rien, il y a des quotas. Il y a des quotas. Vous le savez, vous nous avez rien dit. C'est comme ça, tu peux pas comprendre. Alors tu fermes ta gueule et tu dégages. Moi, je peux pas comprendre. Parce que je suis un bougnoule, j'ai moins de cerveau que vous. Les bougnoules, ils sont pas faits pour commander. Je me présente Mohamed, né en 1917, issu d'une famille pauvre, perdue dans un bled, un manque de nourriture dans l'assiette. Pas le choix, je deviens indigène analphabète. Pour les miens, faut de l'argent, je mets ma vie en jeu. Je repense aux yeux de ma mère, mon corps n'est pas si précieux. 7ème régiment, tirailleurs marocains. Je vais peut-être mourir pour la France, ça j'en sais rien. J'enfile mon uniforme, mes bottes qui pèsent des tonnes à la poche droite. Une photo de mon nom, mentalité assez forte. Je prends mon courage à deux mains. J'avance en soldat avec une arme dans la main. Les Allemands se trouvent au-dessus d'une colline. Ils nous tirent dessus, on leur tire dessus, c'est la guerre. Les morts couvrent le parterre. On a peur, mais on va libérer la France de toute manière. Août 44, je me trouve en Provence. Être sur ce sol, pour moi, c'est une chance immense. Le drame arrive trois mois plus tard dans les Vosges. Je meurs pour la France, une balle dans la hanche. 39-45, nos vies sont restreintes. Maghrébins, africains, indigènes, notre plainte. Notre histoire s'est éteinte, le futur notre crainte. Soldats, la première ligne, les ennemis nous esquintent. Bougnoules, les négros, sales noirs ou bigots. Nos racines, un défaut, très loin d'être égaux. L'Afrique est très haute, la France une faute. Plus de morts chez nous, mais plus de faibles chez les autres. Caporal Abdelkader de la 2ème compagnie du 7ème régiment de tirailleurs algériens. Soldat d'Afrique, j'ai donné ma vie à la France. La France-Afrique qui nous a baisé quand j'y pense. Oubliez de l'histoire, nos efforts sont bien morts. Sans aucune différence, les balles ont bien touché nos corps. On me parle de quotas, croire qu'on ne fait pas la même guerre. C'est nos gueules qui passent pas, mais il faudra bien s'y faire. J'ai laissé ma femme et mes trois gosses pour libérer la patrie, j'ai pris 5 balles dans le torse. Erreur de la guerre, c'est un honneur sous terre. Je pourrais rien y faire, même s'il fallait la refaire. Dans les tranchées, j'ai dû rester fort, soldat de la première ligne. Mes frères sont les premiers morts. Ils ont truqué les rapports, effacé nos efforts. Nous ont appelés indigènes, rien dans la tête ou dans le corps. Mode de vie précaire face à l'attitude sectaire. J'ai des rêves monétaires, donc il vaut mieux se taire. Indigène, voilà mon tracé. Les cicatrices restent, même si les blessures sont passées. 39-45, nos vies sont restreintes. Maghrébins, africains, indigènes, notre plainte. Notre histoire s'est éteinte, le futur notre crainte. Soldat de la première ligne, les ennemis nous essaient. Bougnoules, les négros, sales noirs ou bigots. Nos racines, un défaut, très loin d'être égaux. L'Afrique est très haute, la France une faute. Plus de morts chez nous, mais plus de faibles chez les autres. Plus de faibles chez les autres. 12 000 juifs tués, 100 000 noirs, 4500 tués. 176 000 pieds noirs, 14 000 tués. 100 000 métropolitains, 40 000 tués.